Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00.

bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Le vendredi soir, vous avez l'habitude déjà depuis presque 13 ans, hein. C'est l'émission Mavrika à partir de 19h et on est ensemble pour 3h, donc jusqu'à 22h. Nous allons vous présenter un groupe dans l'émission Mavrika. Alors, on a reçu pas mal de gens dernièrement. On est à la 536e édition et depuis, tiens, on va remonter depuis la 500e. Allez, on y va. Donc la 500e, on avait reçu No Blush. La 501e, on avait reçu Rossi Kinkela. Les Barricades sont venus pour la 503e. La 507e, nous avions reçu The Uncle Bikers. La 508e, c'était Alex Lebaille, d'ailleurs, qui est venu aussi la semaine... la dernière fois, donc la semaine dernière, non, il y a 15 jours exactement. Donc on avait reçu Odeon aussi pour la 510e. La 513e, nous avions reçu Drive to Amnesia. La 514e, Sugar Cane. On avait fait une émission spéciale Johnny Hallyday aussi, parce qu'il y avait des événements qui commémoraient voilà la mort de notre héros national, on va dire ça comme ça. Donc Johnny Hallyday. Et donc c'était la 516e. La 517e, Yavanna était dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La 518e, nous avions reçu un groupe de musique celtique qui s'appelle les Celtic Crack. Voilà. Nous avions reçu aussi encore spécial un peu Johnny Hallyday, puisque c'était l'ancienne choriste de Johnny, encore une fois, qui s'appelle Angéline Anonier, qui aujourd'hui fait carrière solo et qui était venue dans l'émission. D'ailleurs, on aura beaucoup de plaisir à la retrouver très prochainement si elle a envie de revenir dans les studios. La 521e, nous avions reçu Duke. La 524e, le groupe Dérapade. Les Corrosive System étaient avec nous pour la 525e. Nous avions reçu aussi Hughes pour la 526e. Voilà, ça s'approche de plus en plus. Les Swing Camille pour la 527e. La Jarry pour la 528e. Pour la 529e, c'était Jesus Whiskey. Et on avait terminé l'année avec le groupe Narcose. Et c'était l'émission numéro 531. Depuis, on a reçu, pour commencer l'année, c'était le 6 janvier, nous avons reçu pour la 535e notre ami Alex Lebaille. Et la semaine dernière, il n'y avait pas d'émission. Alors j'espère que ça vous a manqué un petit peu, puisque aujourd'hui, nous allons recevoir un groupe. Et je vais vous le citer juste après. Ce qu'on va faire, on va regarder aussi tous les gens qui vont venir très prochainement. Donc le temps de regarder sur mon agenda. Donc on avait commencé le 6 janvier avec Alex Lebaille, je l'ai dit tout à l'heure. La semaine prochaine, nous aurons la chance de retrouver Elsia, qui viendra nous présenter son nouveau projet. C'est-à-dire qu'elle a fait un morceau qu'on diffuse déjà depuis pas mal de temps. Donc elle va venir pour nous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis son dernier passage dans l'émission Mavrika. Le 3 février, nous aurons le plaisir de recevoir les Brunettes, The Brunettes, on va dire comme ça. Le 17 février, ça sera les Oreilles qui saignent. Le 24 février, nous aurons un groupe qui viendra de Paris qui s'appelle Anaïs from Paris. Au mois de mars, on continue, hein. Il y a toujours des invités. On aura le groupe Ombrage le 3 mars. Le 10 mars, nous recevrons Full System. Le 17 mars, c'est Prisma qui est prévu. Et aujourd'hui, pour cette émission numéro 536, nous recevrons le groupe The Jig. Matin comme tous les matins, je me bouscule, envie de rien. Une fois prêt, je ferme à clé mes sentiments, amour imparfait. Tu m'as bien vu ce soir, l'accusé qui dénonce. Un seul geste, un regard, je cherche des même comme toutes les semaines, tu repars éteint, j'entends les sirènes. Un seul mot d'ordre, une seule vérité, ce que je trouverai pas ça, ma réalité. Tu m'as bien vu ce soir, l'accusé qui dénonce. Un seul geste, un regard, je cherche des réponses. Des années, même entouré, je me sens. Salut, c'est David. On est La Jarry. Vous écoutez Albinou, notre pote sur Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. arrive dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude de recevoir des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, ils sont au nombre de 4 dans le groupe, mais il y a 5 personnes qui sont dans les studios. On va commencer à discuter avec eux, puisque tout à l'heure, je vous l'ai dit à la française, j'ai dit 2 gigs, mais bon, ça se dit 2 gigs. Voilà, bien évidemment, c'est moi qui prononce mal. Mais après, j'avais pensé aussi, tu sais, il y a aussi la musique de gigue. Ouais, donc voilà, la gigue. Voilà, on danse la gigue, musique traditionnelle. Et voilà, donc on va commencer à régler les micros puisque j'ai des invités et puis on va leur donner la parole puisqu'ils sont là pour nous parler de l'univers de leur nouveau groupe hein, puisque c'est un groupe assez récent. La voix qu'on entend pour l'instant c'est Igor. Alors, bonjour tout le monde. Voilà, ça y est. Bonsoir tout le monde. Et porte bien la voix. Toi, Igor, t'es déjà venu ici plusieurs fois. Tu connais déjà bien le studio. Oui. Et tu t'es venu avec plusieurs projets différents. Avec Gone Rockin'. On est venu 2 fois, je crois, il me semble. Ouais. Et puis avec Thérèse Électrique. Et Thérèse Électrique, voilà, très bien. Ouais. Alors, où en sont les groupes? Alors, Gone Rockin'. Ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Ouais, il y a des membres qui ont un peu changé. Ouais, il y a eu un changement d'équipe. Il y a 2 ans maintenant, on a repris avec une nouvelle équipe. Mais ça tourne. Ça, on joue régulièrement. Alors, pas beaucoup sur Orléans. On s'exporte pas mal parce qu'on a du mal à trouver des lieux qui nous programment sur Orléans, en fait, tout simplement. Mais oui, on joue régulièrement avec Gone. Et Thérèse Électrique, j'ai mis le projet en suspens pour l'instant. Voilà. D'accord. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Des fois, il y a des trucs, ça tourne bien, et puis après, on le met un petit peu. Et après, c'est pareil. Les autres membres, peut-être sont-ils pas disponibles pour l'instant pour continuer ou. Si, ouais, le si, serait. Si. On joue avec Areto, Valentin et JP qui jouent dans Gone, jouaient aussi dans Thérèse. Donc on joue toujours ensemble dans Gone. On va retrouver. Oui, bien sûr. Pour l'instant, vous avez mis un petit peu de côté. Ouais, on a mis un peu ensemble. Donc Gone Rockin', c'est un tribute de. C'est d'ici. Donc un groupe de tous les morceaux que vous les interprétez, classiques. On les connaît bien. Ouais. Donc à chaque fois, c'est bien de reprendre des morceaux. Thérèse Électrique, par contre, c'est des compositions. Ouais. Voilà, vous êtes quand même des artistes complets, quoi. On fait de notre mieux. et là, ce soir, encore un autre groupe que tu vas nous présenter. Donc un nouveau projet qui existe depuis combien de temps? Guigui, tu vas m'aider. Ça fait un an. Ouais, un an qu'on a commencé à composer. D'accord. Voilà. Et puis, on a composé assez rapidement. En fait, on s'est dit que ça valait le coup de monter un groupe avec le projet. Du coup, on a fait appel à Anto et Théo qui sont avec nous parce qu'on les connaît. Enfin voilà, ils font partie du réseau de musiciens qu'on côtoie. Et parce qu'ils sont bons aussi. Hein. Et parce qu'ils sont bons surtout. Parce qu'ils sont bons surtout. Oui, tant qu'à faire, il vaut mieux choisir les meilleurs. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et puis du coup, le projet s'est monté comme ça. Et puis on a composé assez vite parce qu'on a combien de compos maintenant là? On a une vingtaine. Ouais, on a une vingtaine de compos. On en a même d'autres qui sont encore en travail. Mais bon, pour l'instant, on a un set qui est plutôt cohérent. Donc voilà, il y a 20 morceaux qu'on joue, quoi, vraiment au répertoire live. Donc, vous avez bien bossé quand même en un an. Vous avez réussi à avoir 20 morceaux. Donc, c'est super. On récapitule un petit peu les musiciens, parce que là, on a dit tous les noms, mais on va essayer qui c'est qui nous présente? Ou alors, vous vous présentez chacun votre tour, comme vous voulez. Donc, on commence par quel côté? Le côté droit, côté gauche, comme vous voulez. Je peux commencer, si vous voulez. Très bien. Donc, moi, c'est Guigui. Donc, pour la petite anecdote, The Gig, en fait, c'est la contraction de Guigui. Guy et Ig. D'accord. Voilà. Et ça veut dire aussi un concert en anglais, une jam. Gig, voilà. C'est un bœuf, quoi. Moi, je suis guitariste-chanteur dans ce gig. On se connaît depuis longtemps avec Igor, mais on n'avait jamais eu vraiment l'occasion de jouer. On a joué ensemble, mais pas dans une formation réellement comme ça. C'était plutôt informel. J'ai toujours fait plutôt de la composition. J'ai jamais fait de reprise, moi, pour le coup. J'avais des groupes de composition avant aussi. Je suis très content de composer et d'avoir trouvé mon âme sœur musicale avec The Gig. Voilà. Très bien, donc à la guitare et au chant, Guigui. Voilà. Tout à fait. Après, on continue, Igor. Ouais. Moi, donc le Ig de Gig. Voilà. Moi, je suis guitare et chœur dans The Gig. Et puis, quand on a commencé à composer avec Guigui, on a trouvé une formule qui fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que sur la plupart des morceaux, Moi, je propose une structure musicale à la guitare. Mmh. Et Guigui travaille à partir de cette structure pour poser la mélodie, commencer à défricher des idées d'arrangement. Et une fois qu'on a une maquette qui est à peu près qui sonne à peu près comme on a envie qu'elle sonne, on la propose à Théo et Anto qui travaillent dessus et on se retrouve en répète pour monter ensemble les morceaux. D'accord. Donc après on continue donc avec. Salut, moi c'est Théo. C'est Théo. Du coup je tiens la basse dans The Guy. Et je suis le petit genou de la bande. D'accord. Parce que moi, là, j'ai que 18 ans. Donc, au début, j'étais petit quand je voyais Igor et Anto jouer. Donc, ça fait très plaisir maintenant de partager la scène avec eux. Très bien. Et donc, le dernier. Et le Anto. Dernier, Anto. Donc, moi, je suis à la batterie. Voilà. Je viens d'un style musical un peu plus énervé que ce qu'on fait dans The Gig. J'ai écumé quelques groupes dans le style plutôt punk rock, metal. D'accord. Aussi. Voilà, donc je m'essaye à des choses un petit peu plus posées et c'est assez agréable à faire. Mmh, ça ne peut être qu'enrichissant justement. Tout à fait. Et, ouais. Et c'est drôle parce que des fois on connaît des gens qui sont dans plusieurs formations différentes et puis des fois on se dit tiens ils sont dans un groupe qui fait plutôt rock'n'roll, l'autre bah, ils jouent aussi dans un groupe qui fait du blues et puis ah ouais d'accord ils font plusieurs trucs différents et c'est là qu'on voit vraiment les vrais artistes sont capables de s'adapter à plusieurs styles différents donc c'est la richesse justement de ces artistes là. Très bien, donc voilà, quatre membres, un groupe qui s'appelle The Gig, donc le nom veut dire aussi concert, jam, c'est ça hein, que vous avez dit. Exactement. Hein. Ouais. Voilà, donc voilà. Très bien, le groupe existe depuis un an. Vous avez commencé donc juste vers la fin du Covid, c'est ça? À peu près, ouais. Bah, c'était décembre 2021. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça fait ouais pile poil un an quoi. Ouais, pile poil un an. Donc voilà. Depuis, vous avez déjà fait des concerts ou quelques-uns. On a fait combien? On a fait 4-5. Ouais, 4-5 tu crois? Ouais. Mmh. Ouais, 4-5 ouais. 4-5. Ça démarre doucement. Là, je pense qu'on va commencer à jouer un peu plus régulièrement. Oui, parce que là, en plus, là, on est l'hiver, mais après, le printemps va arriver. Et puis là, il va commencer à y avoir pas mal de concerts, des choses comme ça. Donc, ouais. Les gens auront envie aussi de sortir. On espère. Donc, ouais, on espère, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Après, justement, la période qu'on a traversée, il faut que les gens se réhabituent à sortir. Ouais. Parce qu'ils sont devenus un peu casaniers, pantouflards, voilà. Mmh. Et donc, après, il faut aussi un petit peu faire l'effort. Et puis, en ce moment, comme il fait un petit peu froid, bah, les gens restent un petit peu à la maison. Mais il se passe quand même des belles choses, hein. Ouais. Il y a des bons concerts. Et puis, donc, il faut un petit peu se faire violence en disant, ben, ce soir, j'ai pas trop envie de sortir, mais je vais sortir. Et puis après, on le regrette pas. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, il faut aller au concert, il faut aller voir les groupes et tout ça. Depuis le début de l'émission, ben, on a déjà écouté un de vos morceaux, hein, parce qu'on l'avait calé, et puis, ça s'appelle Sleeping Away. Mm-hmm. Voilà, il fait partie d'un album. Un EP. C'est un EP, cinq titres. Mm-hmm. Voilà. Qu'on a enregistré, au studio, dans le garage Azik. Qui est maintenant une association. D'accord. On a enregistré cet été au studio. Voilà. Très bien. On va citer aussi tous les groupes qu'on a écoutés depuis le début de l'émission. On avait commencé avec The Shaking Mates, un groupe qui avait joué au Maverick Alive il y a pas très longtemps, dans les derniers Maverick Alive, mais bon, on a quand même été en stand-by pendant pratiquement 3 ans. Hein. Le morceau, c'était All Inclusive. Juste après, c'était Prisma avec Lust for Love. La Jarry avec Evolution et donc le morceau Sleeping Away de The Guy. Voilà. Alors on a encore 4 autres morceaux à découvrir de cette EP. Alors comment ça s'est passé l'enregistrement de cette EP? Ça s'est fait en deux parties en fait. Il y a une première partie où on a enregistré la basse et la batterie sur le maquette. Au studio en fait, directement dans le studio, et après on a tout envoyé à Guigui qui lui s'est chargé après d'enregistrer les guitares et les voix. Donc et vous faites la technique, vous faites tout quoi. C'est une vraie autoproduction, technicien, tout ça. Très bien, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu difficile de ne pas faire les deux, hein, parce que. Ouais, c'est, bon. C'est plutôt la tendance, ouais, actuellement. Ouais, c'est un petit peu... puis les outils ont évolué. Maintenant, on a facilement ce qu'il faut chez soi pour pouvoir produire de la musique de qualité. Très bien. Bah, en tout cas, là, le morceau qu'on a écouté était très bien enregistré. Moi, je trouve que. Merci. Merci Albino. Bien, donc, voilà. Comme quoi. Et puis, donc, on va encore en découvrir d'autres. Et ça vous a mis combien de temps à enregistrer cette EP? Oh, bah, pas très longtemps en soi, parce que si on compte pas toutes les répétitions pour connaître les morceaux, vu qu'on les connaissait bien, vous êtes vu. Les prises batterie basse, ça s'est fait sur deux week-ends. Enfin, deux journées en fait. Ouais, deux jours. Ouais, c'est ça, deux journées, puis après. Et puis après, deux fois. Ouais, deux fois. Ouais, voilà. On va dire 3-4 jours. 3-4 jours pleins, quoi. Ouais. Mmh. C'est bien bossé. Alors, ça va très vite. Alors, vous composez assez rapidement. Vous avez des morceaux. Vous les enregistrez assez bien et tout ça. Et donc, il y a un CD physique aussi qui est sorti, non? Oui. Alors, ouais, donc, c'est un CD que vous pouvez. Pour la petite blague, on est venu, on a pensé à prendre plein de trucs, mais pas les disques. Alors, c'est un peu. On a pris des bières. On a pensé à prendre le pack de bières, mais on n'a pas pensé à prendre les disques. C'est très pro. Mais bon, on l'a ici. Hein. Ouais. Heureusement, tu me l'avais envoyé. Oui, mais c'est vrai qu'on aurait été sympa de te filer aussi. Hein, on l'enverra par la poste. Vous venez quand vous voulez. Hein. Maintenant, vous faites partie de la Mavericka Family, hein, donc vous le savez très bien. La porte est toujours ouverte. Hein. Vous venez nous voir quand vous voulez. Et puis là, aujourd'hui, c'est la première fois que vous venez avec cette formation-là. Mais dès qu'il y a de l'actualité, vous avez envie de revenir, vous me recontactez, vous revenez ici. Avec plaisir. Voilà, on aime bien suivre un petit peu les groupes parce que c'est bien d'en parler un petit peu. Mais quand les voit 6 mois, un an après, deux ans après. Et puis il y a des groupes qui viennent régulièrement. Tout à l'heure, on a écouté par exemple les Chez Guimet qui sont déjà venus à plusieurs reprises. Le groupe Prisma aussi qu'on suit depuis longtemps, vous les connaissez aussi. Ouais, les Prisma. Ouais. La Jarry, voilà, qui viennent tous les ans. À part avec le Covid, il y a eu une petite coupure, mais là ils sont revenus justement habituellement, ils viennent vers Noël, donc pour le mois de décembre. Et là cette fois-ci, ils étaient tellement pressés, ils sont venus au mois de novembre. Donc c'était un petit peu plus tôt que d'habitude. En tout cas, voilà, comme ça on suit toujours les artistes. Et puis il y en a certains qui passent, voilà, ils sont venus une fois et puis après les groupes des fois c'est pareil, ne durent pas non plus toujours, et puis d'autres qui sont là depuis des années, puis on est toujours content de les suivre. Et d'autres aussi, justement, il y a des membres qu'on a découverts dans un groupe qu'on retrouve dans un autre, et voilà, c'est un petit peu voilà, ça fait partie de la vie des musiciens. Mais justement, là, on a le membre d'un groupe qui va bientôt passer. Oui, ouais, bah, voilà. Avec Ombrage, je suis le bassiste d'Ombrage et on passe en mars, début mars. Oui, tout à fait. J'ai cité Ombrage que je vais découvrir parce que ça, c'est moi ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est qu'il y a des groupes que je connais, que je suis, voilà, je connais tout par cœur, je les connais bien et tout ça. Et il y en a d'autres que je découvre et des fois, je les découvre. Au début, j'ai essayé de me renseigner avant l'émission et je me suis rendu compte que à la limite il vaut mieux rien savoir et découvrir pendant l'émission. Ça veut dire, je vais poser les questions que tout le monde se pose, et comme ça, on va découvrir ensemble. Et puis voilà. Hein. Donc le groupe Ombrage qui viendra au mois de mars. Début mars, ou c'est le 3 ou 4, début mars. Hein, ouais, je crois que c'est. J'ai dit tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc et puis c'est pareil. Tout à l'heure, on a vu aussi. Il y a une personne qui est venue tout à l'heure qui fait partie d'un autre groupe qu'on a déjà reçu dans l'émission Maverick. Hein, ouais, le groupe Frisson. Sylvain. Voilà. Sylvain. Frisson, qui est mon papa. Voilà. Comme quoi. Sylvain. Ton papa. Sylvain. Ah, non, Frisson. Fils d'un groupe. Il était fait pour jouer de la musique. Incroyable. Et c'est vrai que le groupe Frisson qu'on suit déjà depuis pas mal de temps, ils sont déjà venus plusieurs fois ici et qui ont participé aussi à Maverick Live. Hein, voilà. Donc comme quoi, il y a voilà des groupes comme ça qu'on suit depuis un petit moment et qu'on est bien content de retrouver à l'occasion de concerts ou alors pour une émission, hein, tous ensemble. Très bien, bah on commence à connaître un petit peu le groupe. Alors on a écouté un premier morceau, on écoute un deuxième. Oui, yes. Avec plaisir. Alors le deuxième, c'était quoi qu'on avait calé? Hot Love. Ouais. Hot Love. Voilà, Hot c'est Love. Ça. C'est parti. Donc on écoute tout de suite Hot Love, le groupe de The Gig. On your hair, your sleeping face is like a dream. I watch your dream without a care, the loveliest girl I have ever seen. And I know you're the one for me. I know love can set us free. I need you, I'm asking please. Don't not to cry. If you leave me, you know I'll die. So won't you give me one more try? Cause you put a spell on me, simply you and I. Get my fight, cause everyone had a try for another night. Slowly those standing, give me believe all your lucky star, but it's another lie. Regardez un petit peu la liste des artistes qu'on a écoutés depuis le début, parce que je me suis rendu compte qu'on avait oublié une personne. Justement, on a écouté les Shaky Metz, le groupe Prisma avec Lust for Live et pas For Love, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a écouté aussi Monsieur Alex Lebaille, qui était notre invité de la dernière émission. Donc, c'était le 6 janvier 2023. Et le morceau qu'on a écouté, c'était Le Tourment. Voilà. Maintenant, je suis revenu un petit peu dans le vrai. Hein. On a écouté Là, j'arrive avec Evolution, 2 gigs avec Sleeping Away, 2 gigs avec Hot Love, les Red Daff avec La Claque, et à l'instant, c'était un morceau, voilà, qui date des premières émissions de Mavericain, donc qui a déjà pas mal de temps, mais dernièrement, j'ai ressorti un petit peu de mes cartons et j'aime bien l'écouter. C'était le groupe Ice Cream avec Ballerina Girl, voilà. On est dans l'émission Marika et ce soir nous recevons dans cette émission numéro 536 le groupe de Gig. Ils sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a commencé à écouter leurs morceaux. Ils vont nous interpréter des morceaux en live et en attendant on va continuer à découvrir tout leur univers. Voilà, donc il y a Guigui, Igor, Théo et Anto qui sont devant moi. Et on va commencer à leur poser d'autres questions hein, pour connaître un petit peu plus. Alors, comment ça se passe pour la composition de vos morceaux? Puisque c'est des morceaux, finalement, c'est que des compos. Hein. Mmh. Ouais. Alors, comment ça se passe? C'est... Moi, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu me dis la musique? Ouais, non, mais on va détailler. La composition, mais après, je voulais aussi y revenir. Parce que là, vous avez parlé de la musique, mais il y a aussi les paroles. Ah oui. Ah bah oui, ça on n'en a pas parlé du tout. Donc la musique, on sait que c'est toi qui arrives avec un riff de guitare. Ouais, en général. Il y a voilà. Aussi des morceaux que Guigui a composés directement à la gratte. D'accord. Et puis après, finalement, c'est chacun qui amène sa pierre, qui compose le morceau. Et après, justement, qui c'est qui écrit les paroles? Alors c'est un sujet en soi. Tabou. Puis, non, pas tabou du tout. Non. En fait, il y a disons que ce qui me plaît et ce qui me touche le plus dans la musique, c'est vraiment la musique en elle, c'est le son, c'est la mélodie. D'accord. Et c'est vrai que déjà moi naturellement, quand j'écoute de la musique, je n'apporte pas une attention très particulière au texte. Donc je n'ai pas une appétence pour la composition des paroles, vraiment, même si j'en écris. Donc il va y avoir un mix en fait dans nos chansons entre des paroles que j'ai écrites moi et des paroles en fait que je trouve libres de droit en fait sur internet. Il existe des paroliers mais qui ne sont pas musiciens et qui ont envie de faire vivre leurs paroles en fait et donc ils les proposent aux musiciens qui compositeurs. Ah ouais, d'accord. Voilà, pour les arranger et les mettre en musique. Ça. Ouais ouais, il y a peu de gens en fait qui ouais, savent ouais. ça. Ouais, ouais. Et donc en plus enfin la personne qui fait ça donc on chante en anglais donc c'est un étranger enfin un anglo-saxon il écrit plutôt des textes très sympas en tout cas moi qui me plaisent et qui va très bien avec ce qu'on fait donc voilà c'est il y a un peu un côté hybride il y a des chansons que j'ai écrites totalement moi et des chansons qui viennent de cette personne voilà. D'accord bah c'est bien et donc à chaque fois que vous sortez un morceau par exemple vous le citez aussi en tant qu'auteur non? Alors oui. Non, en fait, il y a pas forcément besoin de. En fait, c'est un site. Alors moi, je connais pas le nom de la personne. C'est un D'accord. site. D'accord. Il explique bien en fait que on doit le déclarer en fait si jamais le morceau est enregistré, par exemple, à la SACEM ou des choses comme ça. Si il y a pas de commercialisation entre guillemets à grande échelle du morceau. Voilà, il y a pas besoin forcément de le mettre sur le CD. Mais oui, de toute façon, c'est toujours dit que les paroles ont été écrites. Très bien, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Je savais pas du tout, j'ignorais, mais bon, effectivement, c'est une bonne méthode aussi. Hein. Et après, comme tu disais, ce qui compte le plus pour vous, c'est justement que ça sonne bien. Donc c'est vrai que la langue anglaise pour le rock and roll c'est quand même ce qui va mieux. Mais bon, il y a des gens qui le font très bien en français aussi. Hein, effectivement, c'est pour ça. Effectivement. Mais bon, vous aimez bien la consonance anglaise, donc ça va bien avec le rock and roll. Et puis à la limite, ce que ça raconte l'histoire, les paroles, est-ce que ça a une importance? Oui, quand même. Mais ça tourne toujours de toute façon à peu près autour du même thème. De toute façon, dans le rock, c'est un truc de romantique. Hein. C'est une grande histoire d'amour de gens très sensibles. Ouais. On a l'impression qu'ils sont très durs. En fait, c'est des gros sensibles. J'ai pu le voir assez souvent. Quand même. Voilà. Ouais. Donc ça tourne souvent en fait autour d'histoires d'amour. D'accord. Là, le titre qu'on a entendu avant, c'est Hot Love, donc je pense que ça s'explique de soi-même hein, qu'avec le titre. Juste avant, c'était Sleepin' Away. Alors là, c'est pas une histoire d'amour, mais moi, c'est une réflexion sur la vie. Ouais, enfin, ouais. Voilà, c'est voilà le monde de un peu ce temps qui nous échappe et puis qui passe si vite et qu'on a l'impression des fois un peu de gâcher parce qu'on est dans un engrenage parce qu'on c'est pour tout le monde pareil. Des fois, c'est un peu la journée métro boulot dodo. Ouais, voilà. On a l'impression de vivre pour quelqu'un d'autre, mais finalement, on fait pas ce qu'on aurait envie de faire, quoi. C'est un petit voilà, peu dommage. Exactement. Voilà. Il faut essayer, même si pour certains, c'est pas facile. Il faut essayer quand même de se dégager un peu de temps, en fait, pour même si c'est des actions minimes, des choses, des petites passions, des loisirs qui sont pas forcément à vocation de faire connaître, mais c'est important de faire quelque chose qui nous plaît quand même, quoi. Ça c'est super important d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a tendance à le mettre un petit peu de côté et ça c'est vraiment dommage. Donc la vie elle est faite pour qu'on la vive pour nous déjà, il faut qu'on s'en souvienne. Ouais. Très bien, mais en tout cas le sujet est très bien et ça me fait penser aussi à une chanson qui s'appelait Putain de temps. Donc ça parlait, c'était les Carens, je sais pas si vous les avez connus, un groupe qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, où il parlait justement du temps qui passait et qui finalement voilà, c'est vrai que ça va très vite hein, si on regarde bien. Ouais. Donc profitez-en, vous êtes jeune, il faut essayer d'en faire le maximum. Ça va de plus en plus vite, c'est vraiment très bizarre aussi le ouais, temps ouais. Et, c'est en fait c'est la cette impression là. Ouais, c'est surtout notre perception du temps qui varie vachement en fait. Mais après ce qu'il y a aussi c'est par exemple qu'on a fait pendant des années une certaine chose, on se dit ah voilà ce que j'ai fait je l'ai fait, je regrette pas, voilà c'est quelque chose que j'assume complètement et à la limite si j'arrivais au point où j'en suis aujourd'hui sans l'avoir fait tous ces trucs là bah j'aurais peut-être un peu perdu mon temps. Et moi, je parle à mon niveau, par exemple, pour les émissions de Mavrika. Voilà, toutes les photos, tous les concerts qu'on a réussi à faire, voilà, avec très peu de moyens, et ben finalement, on se dit, ben, on a passé des bons moments, et ces moments-là, plus personne pourra jamais nous les enlever. Et on les a vécus, et puis voilà, on les regrette pas. Et au contraire, on a envie d'en faire d'autres. Hein, et il faut toujours essayer de fabriquer des souvenirs pour le futur. Donc ça, c'est important. Très bien. Et j'ai juste oublié de mentionner quelque chose, parce qu'on parlait de l'EP. Ouais. Et donc sur l'EP, c'est moi qui me suis chargé des paroles, mais Anto en fait est parolier aussi en anglais, et on a deux trois morceaux qui ne sont pas sur l'EP, deux compositions où les paroles ont par contre été totalement écrites par Anto. Voilà. Et ça parle aussi d'amour. Une collaboration. Alors oui, ça tourne autour. Alors il y en a une, oui, qui tourne autour de l'amour, en effet, et une autre qui est un peu plus une réflexion personnelle. Après, ces paroles, elles ont été écrites. En fait, Guigui m'a envoyé une maquette où il chantait du yaourt, en fait, avec des. Il a posé sa voix comme il la sentait, et en fait, je me suis vachement inspiré de justement ce que la musique amenait comme émotion. Et des paroles qui sortaient naturellement pour lui, pour des mots, il y a des mots qui venaient comme ça. Et en fait, j'ai construit là-dessus autour de ça. En fait, j'avais pas forcément une idée, moi, préconçue de ce que je voulais écrire. Je me suis vraiment inspiré de ce que je ressentais quand j'écoutais ce que lui chantait et des mots qui sortaient parfois dans ce que lui ressentait en fait quand il chantait, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est l'émotion, c'est le ressenti, voilà, c'est sur le moment, basé sur le ressenti. Et c'est vrai que j'imagine. Donc c'est quelque et une chose. Preuve qu'il le fait très bien, c'est que quand il m'a envoyé les paroles, en fait, je n'avais pas besoin de m'y reprendre à deux fois. Du premier coup, je le chantais parfaitement. Ça tombait. Je veux dire, la métrique était bonne. Il n'y avait pas besoin de chercher l'intonation, sur quel mot je dois être plus rapide, où est-ce que je mets une double croche, où est-ce que je mets une noire. Non, tout tombait nickel. Donc, il fait ça très bien. Très bien. Bah, c'est bien qu'il y ait plusieurs personnes comme ça qui, bah, au niveau de la musique déjà, vous êtes complémentaires, au niveau des paroles aussi. Et donc, justement, ça fait qu'enrichir. Un groupe, c'est un peu ça. Chacun arrive avec sa sensibilité, avec son expérience, justement les groupes qui vous ont inspiré, vos aspirations. Ouais. Et justement, on va parler un petit peu, quelles sont vos inspirations à chacun d'entre vous, parce que je pense que vous n'avez pas forcément tous les mêmes. Alors toi, par exemple, Guigui, toi, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu aimes bien comme style de musique? Le groupe dans mon adolescence qui m'a fait démarrer la musique, c'est Pink Floyd. On va dire que plus généralement c'est la musique des groupes de rock, blues rock des années 70. C'est un long chemin, une vie de musicien, et du coup j'aime beaucoup beaucoup de choses différentes, hein. J'ai même écouté du hip-hop à un moment, j'ai écouté beaucoup de jazz, j'ai joué des choses très différentes aussi, j'avais accompagné une chanteuse à R&B, donc j'aime bien tout. Et alors en fait j'aime la musique quand même qui naît du blues à la base. Après le blues, c'est un peu la musique mère de énormément de musique actuelle, hein. Musique que j'aime exactement, elle vient du blues. Voilà, elle vient du blues. Donc c'est particulier de dire que j'aime tout ce qui vient du blues. En fait, j'aime tout. Ouais. mais non, j'aime qu'il y ait cette intonation blues en fait derrière, et je suis très attaché à mon instrument qui est la guitare. Mais après j'aime tout ce qui est dérivé de ça, voilà. Très bien, c'est déjà très riche, hein. Il y a plein de choses à faire avec tout ça, avec la musique qui vient du blues. Donc c'est vrai que les musiques américaines qu'on a l'habitude d'écouter, elles viennent souvent de là. Il y a eu le tout jazz, il y a eu le swing, et on a découvert ça après la Deuxième Guerre mondiale avec les Américains qui ont apporté cette musique là et s'est développée, et puis elle est avec la pop anglaise, le rock and roll, la pop anglaise, ouais. Et voilà, donc c'est vrai que c'était la musique américaine, mais qui après est revenue en Europe et qui a été aussi jouée par des groupes européens. Donc voilà, c'est toute la richesse. Il y a plein de nuances différentes. Très bien. Igor, tu nous rappelles un petit peu quel style de musique tu écoutes? Oui, alors moi j'ai une culture rock quand même, de base. Grand fan de Led Zepp, notamment, s'il fallait retrouver quelque chose qui se rapproche un petit peu de ce qu'on fait. Après j'aime beaucoup le blues aussi. Quand il a une couleur, faut qu'il y ait un peu de rock'n'roll dedans quand même. Voilà, j'aime bien. Un peu comme The Geek, quoi. Un peu comme The Geek, voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand j'ai écouté, moi, ça me rappelait aussi un petit peu cette époque-là, parce que vous êtes bien inspiré, et moi j'aime bien ce style de musique-là. Ouais. Donc ça me fait plaisir de voir que aujourd'hui encore des gens qui font de la musique comme ça, ouais. La musique comme j'écoutais moi quand j'étais jeune. Et donc, j'ai cru que t'allais dire des jeunes. c'est cool. Mais non, on n'est plus si jeune. Si vous avez, vous oh, après, si on fait une moyenne d'âge, ça va, on s'en sort. Ouais, bien. Avec Théo, on s'en sort bien. Très bien. Donc, Led Zeppelin, bon, moi, je sais que c'est pareil. Moi, quand j'avais découvert ce groupe-là, c'était un ovni, quoi. Ouais. La musique, on l'avait connue, bon, dans les années 60, mais au début des années 70, il y a eu des Pink Floyd, il y a eu Led Zeppelin, Deep Purple, tous ces groupes-là qui ont un peu révolutionné parce qu'on écoutait quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre jusqu'à présent. Donc, aujourd'hui, ça fait partie du rock classique. Alors qu'en vérité, à l'époque, c'était carrément révolutionnaire. Ah, bien quoi. Sûr, bien sûr. Voilà. Ah, les jeunes appellent ça du rock à papa, voire du rock à papy, hein. Ouais, aussi. Ouais, tout à fait. Si on regarde bien nos guitares héros de cette époque-là, ils sont papy aujourd'hui. Bah, après, il y a encore des jeunes qui jouent cette musique-là. Enfin, c'est une musique. Ah, tant mieux. Il y a aussi toute une scène aux États-Unis de. En fait, cette musique-là, elle vit encore beaucoup là-bas. Enfin, la musique qu'on aime. Le blues rock, ce qu'ils appellent la roots music là-bas, toute la musique qui se nourrit des racines de la musique américaine et noire américaine. Il y a encore une scène qui est très vivante là-bas, moins ici. Mais... Je sais pas, parce que ici, finalement, moi, je reçois beaucoup de groupes, il y en a beaucoup qui le font. Bien sûr. Mais ils sont pas forcément mis en valeur, on l'écoute pas forcément dans les autres radios. C'est plus mainstream, quoi. C'est un petit peu dommage, hein, parce que, heureusement, il y a des radios spéciales qui diffusent des musiques aujourd'hui. On a des radios spécialisées dans chaque style de musique, donc on peut retrouver. Mais ce qui est dommage un petit peu, c'est que les radios qui sont un petit peu grand public ne diffusent pas plus de rock'n'roll, plus de bonnes choses, parce qu'il y a des super shows, super morceaux. Donc, après, c'est des cycles, ça reviendra sûrement. C'était la musique populaire d'une époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus la musique qui est populaire, c'est plus forcément ça. Ça veut pas dire que les choses actuelles sont mauvaises, mais c'est plus ce qui est au goût du jour, entre guillemets. Ouais. Il y a des jeunes qui écoutent aussi des trucs actuels et tout ça, mais qui aiment bien aussi écouter. Voilà. Tout à fait. Tout à l'heure, quand tu me parlais que tu écoutais même du hip-hop et des choses, il faut pas être fermé, il faut tout écouter. Ouais. Et après, forcément, il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres. Il y en a certaines sur lesquelles on ressent de l'émotion, pas d'autres. Bon, c'est comme ça, on choisit pas. Hein. Il faut jamais se fermer, parce que moi, j'ai été des fois à des concerts. Voilà, j'ai été voir un groupe, j'en ai découvert un autre que j'aurais pas été voir de moi-même comme ça, mais je me suis retrouvé là et puis finalement j'ai passé un bon moment et puis voilà, c'est toujours enrichissant, c'est toujours toujours bien de découvrir des choses différentes, hein, et puis des fois on peut passer un bon moment avec un style de musique vers lequel on ne serait pas tourné dès le départ, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc on va continuer avec Théo. Alors Théo, toi, tu écoutes quoi comme musique? Moi, c'est un peu comme les gars, hein, c'est surtout du rock. J'ai commencé par CD qu'on m'a offert quand j'étais petit par mes parents, c'est Nevermind de Nirvana. Ah ouais, c'est donc, une référence. Un bon départ. Après, maintenant, j'aime beaucoup le rock français avec Noir Désir notamment, mais aussi Eiffel, Luc pour les groupes un peu plus récents, parce que j'aime beaucoup prêter de l'attention aux paroles. Et en français, je suis pas très très bon en anglais, donc c'est beaucoup plus simple pour comprendre l'articulation, la sensibilité du texte. D'accord. Comment le texte s'allie avec la musique pour créer l'ensemble mariage parfait, quoi. Donc j'aime beaucoup beaucoup le rock français, mais j'écoute pas mal aussi de rock français où ils chantent en anglais, mais même après bien sûr les classiques, les Pink Floyd, tout ça mais du coup je me tends surtout vers le rock, mais un peu vers des styles un peu plus extrêmes comme le noise, et puis un petit peu de hip hop de temps en temps quand même, pop. Oui, il y a plein de jazz. Et après, ça dépend de l'humeur. C'est vrai qu'il y a des fois, on a envie d'écouter de la musique qui nous entraîne pour danser. D'autres fois, on a envie d'écouter plutôt un truc qui nous calme. Voilà. Et puis, des fois, on va à des concerts. Ce qu'on écoute dans un concert, c'est pas forcément ce qu'on va écouter à la maison. Il y a des choses différentes, hein. Et puis, il y a aussi des trucs. Par exemple, moi, j'aime bien aller à des concerts, écouter certains styles de musique que je n'écoute jamais à la maison. Parce que le côté studio, c'est plus pareil que... Voilà, il y a des trucs, des groupes que je préfère pour leur côté live et d'autres pour leur côté studio, après. Mm-hmm. Et il y en a qui font les deux très bien, donc ça, c'est encore mieux, quoi. Très bien, donc plein de choses encore, plein de choses qui viennent enrichir les influences du groupe de Gig. Et on va continuer avec Anto. Eh ben, alors moi, j'écoute pas mal de trucs, j'ai grandi en fait avec ce qu'écoutaient mes parents, beaucoup ce que jouait mon père, parce que c'était un guitariste, il jouait beaucoup de Brassens, j'ai grandi avec Brassens, Marcel Dadi aussi, Viking. Mm-hmm. Et j'ai joué avec lui pendant de longues années, quand j'étais gamin, on avait un groupe de country. D'accord. Country, bluegrass, toutes les musiques traditionnelles américaines, donc j'ai une base assez, on va dire, assez folk, enfin assez acoustique, et arrivé à l'adolescence, l'âge de la rébellion, je me suis mis au punk. T'as découvert l'électricité. Voilà, j'ai découvert l'électricité. Dans la prise, il a mis les doigts dedans. Et puis voilà, après, je suis resté longtemps, une grosse période comme ça, jusqu'à encore aujourd'hui, où j'ai encore un groupe de punk rock, mm-hmm. Où j'ai écouté pas mal toute la scène californienne, le skate punk, comme on disait, je faisais du skate aussi, voilà, les baggies, les longues chaussures, tout ça, les cheveux colorés. Le style qui va avec, tout à fait. Voilà, la scène suédoise aussi, enfin pas mal de trucs, et j'écoute à côté aussi du hip-hop, Cypress Hill, les trucs comme ça, un petit peu les premiers albums de l'époque du gangsta rap, Ice Cube, ces trucs-là qui sont, je trouve, en fait, c'est des musiques qui sont, ça vient du cœur, des tripes en fait, et ça, moi, ça me parle beaucoup, quoi. C'est aujourd'hui, enfin, Guigui parlait des styles de musique qu'on entend aujourd'hui. Moi, il y a beaucoup de choses que j'entends, ça me parle pas du tout. Ça vient plus du porte-monnaie que du cœur, et je trouve aucun intérêt dans ces trucs-là. Après, chacun trouve son compte. En tout cas, moi, c'est pas ça du tout. Si ça fonctionne, c'est qu'il y a des gens qui s'appellent. Mais bon, ça peut pas plaire à tout le monde non plus. Voilà, tout à fait. Mmh. Et après, voilà, j'ai aussi, je suis assez fan de tout ce qui est jazz des années 20-30. J'adore ces trucs-là. Ouais, d'accord. Voilà, c'est assez large. J'écoute pas mal déjà de trucs. Plein de choses. C'est très large, en tout cas, ce que vous écoutez. C'est vrai qu'il faut pas se fermer dans un style. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans un magasin de musique, par exemple, on dit on aime le rock'n'roll, on va aller dans le truc rayon rock'n'roll. Ouais. Et des fois, il faut aussi un peu se perdre à côté. Il y a des trucs en musique classique qui sont super bien, et ainsi de suite. Donc, et après, c'est l'émotion qui doit fonctionner. C'est ça. C'est l'émotion aussi, ça. Et après, tout ce qui est en rock'n'roll n'est pas forcément bon. Il y a aussi des drôles de trucs, que des fois. Et alors, paradoxalement, alors c'est vrai que, on va dire 99% du temps, je pense qu'il faut se fier à son intuition première. Mmh. Et en même temps, par expérience, et par rapport à ce que d'autres m'ont dit de leur expérience, il y a des choses des fois qui sont pas appréhendables dès la première écoute, où on va pas apprécier toutes les subtilités dès la première écoute. Et il y a des fois aussi où faut s'apprendre à aimer quelque chose. Et notamment, tu parlais, enfin, on parlait tous de ce qui était populaire à une époque donnée, ce qu'on écoutait sur les ondes et tout. Et je pense que c'est aussi la cause qui est la conséquence. C'est-à-dire que si on diffuse du matin au soir la même chanson avec le même style, au bout d'un moment ça rentre dans la tête, et c'est ce qu'on connaît, on est éduqué avec ça, et c'est ce qu'on aime. Si on se force pas à écouter un petit peu quelque chose d'autre, il va rien se passer non plus, et on sortira pas de notre zone de confort et de ce qu'on connaît, voilà. Donc je suis très pour, en fait, écouter, parce que c'est du plaisir à la base quand même, donc se faire plaisir, mais il faut aussi de temps en temps aller chercher, sortir de sa zone de confort et écouter des choses qu'on n'écouterait pas comme ça, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que même les radios ont ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'ils nous mettent la musique dans la tête. Hein. Une bonne radio. Ils diffusent. Oui. Après, des fois, ce qu'ils nous mettent dans la tête, c'est pas forcément bon. Donc, il y a aussi des trucs qu'on a assimilé, qu'on a appris à aimer simplement parce qu'on l'a écouté, je sais pas combien de fois. Donc, c'est rentré dans la tête sans qu'on le veuille vraiment. Et quand on analyse, on se dit ouais, finalement, c'est un petit peu pas terrible. Et inversement, hein, ce que tu me disais, moi, j'ai remarqué aussi, il y a des albums que j'ai écoutés, ils m'ont plu tout de suite. Et finalement, ils m'ont plu tout de suite, mais je m'en suis lassé très rapidement. Oui, ça arrive. Et inversement, il y en a certains que j'ai écouté une première fois, deuxième fois, et petit à petit, c'est rentré. Et ceux-là, j'ai mis beaucoup plus de temps à les comprendre. Ils étaient plus élaborés, je sais pas. Et finalement, une fois que j'ai saisi le truc, il y a des morceaux que j'oublierai jamais, que je réécoute avec toujours autant de plaisir. Hein. Mmh. Et il y a des groupes comme ça. Hein. Par exemple, on parlait de Pink Floyd. Je me souviens aussi du groupe Police. C'est vrai qu'au début, c'était pas. Et j'ai écouté des trucs. Et puis finalement, il y a la finesse dans plein de choses, la batterie, des trucs comme ça. Et une fois qu'on connaît les morceaux, on dit waouh, super. Ah bah, et Pink Floyd, c'est l'exemple type pour moi. Voilà. Hein. Quand on se voit, on se met devant un morceau, on voit qu'il dure 23 minutes. Ouais. Et puis ça commence par des sons d'écho, de machin. On se dit oulala, c'est pas possible, j'ai zappé. Et si on fait l'effort, on se rend compte qu'il y a tout un monde derrière et que c'est magnifique. Et en plus, Pink Floyd, c'était sorti à l'époque. On découvre aussi, c'était l'époque de début de la hi-fi, hein, les années 70. Ouais. Donc, avant, on écoutait dans les électrophones. Là, on commence à avoir des chaînes qui restituaient le son. Et puis, Pink Floyd, c'est pareil, quand ils font des concerts, c'est avec des enceintes. C'est pas simplement du stéréo. Il y a carrément des machins spatiales. Il y a des trucs dans tous les sens et tout ça. Donc, ils ont beaucoup travaillé à ce niveau-là. Donc, c'est la qualité du son. Et puis, voilà, on ferme les yeux et puis on entend les trucs devant, derrière. C'est vraiment. Quand on écoute génial, Dark Side of the Moon, pourtant je crois que c'est 73. On est en 2023, donc ça fait 50 ans. Non, je calcule mal. Si, c'est ça, 50 ans. Ouais. Et y a très peu de production actuelle qui égale le niveau de qualité de production sonore de cet album, quoi. Le son est tellement beau, magnifique. Les consoles de l'époque, je me souviens, justement, la console a été mise en vente, hein. Le truc a été mis en vente pour je sais pas combien de millions, alors qu'en vérité aujourd'hui, mais on imagine, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, bon, ça valait une blinde, hein. À l'époque, ça valait très très cher. Aujourd'hui, ça pesait, en plus. Ouais, c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose de très cher qui était fait à la demande, hein. C'était carrément avec des pré-amplis qu'ils mettaient, ils montaient tout ça, ils faisaient des trucs pas possibles. Et qu'on se dit aussi, ils n'avaient pas la facilité qu'on a aujourd'hui de prendre un sample, de le déplacer. À l'époque, c'était tout sur des bandes. On dit, le boulot qu'ils ont eu pour faire ça, la patience et tout ça. Et finalement, quand on écoute le résultat, je dis, aujourd'hui, ça n'apporte rien de plus d'avoir plus de technologie, hein, finalement. Ah, c'est plus simple quand même. Là, c'est plus pareil, simple. comme on disait, l'exemple, pour le coup, c'est nous, on a réussi à mixer l'album, enfin l'EP qu'on passe là, en ce moment à la radio, là. On l'a enregistré avec un iPad. Je l'ai mixé avec un iPad. Donc, une tablette, quoi. sans avoir de choses très compliquées dessus. Donc, il y a eu quand même énormément d'avancées technologiques qui nous permettent maintenant, avec peu de choses et très accessibles, de faire des choses incroyables. Mais si on n'a pas cet héritage, justement, de ce qui a été fait avant, et si on comprend pas pourquoi et comment ça marche, et qu'est-ce qui est fait à quel moment pour que ça marche, bah, on saura pas s'en servir, de toute façon, de l'iPad. Donc vraiment, ils ont tous ces groupes-là, tous ces musiciens, tous ces créateurs de sons, ils nous ont livré un héritage en fait aujourd'hui qu'on utilise tout le temps, quoi. Ouais, et même les gens qui écoutent des choses d'aujourd'hui et qui connaissent pas ces groupes-là et qui font des choses et tout, ils ne savent pas à quel point c'est important. Ils se disent c'est de la musique de papy, c'est bon, c'est dépassé, c'est démodé. Sauf qu'en fait, ce que t'écoutes maintenant, ça vient de là. Et c'est grâce à ce qu'ils ont fait, eux. Il y a énormément de samples, même le son. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques où il y a eu justement les synthétiseurs qui nous ont permis de faire des nouveaux sons. Et là, pendant les années 80, c'était un petit peu la fête, hein, tout synthé. On a des sons qu'on n'avait jamais entendus, des samples, etc. On s'en est servi pendant un petit moment. Et c'est bizarre, au bout d'un moment, c'est un petit peu lassé. On dit, on se disperse peut-être un peu trop. Et on revient à des samples vintage, des guitares, des machins, des trucs des années 50. Parce que c'était le son, finalement, c'est la référence, c'est la base, quoi. Un côté très très pur aussi, très brut, qui était pas forcément. Aujourd'hui, on a du matériel qui est capable de faire des choses super bien. Oui. Mais à l'époque, c'était justement le défaut de ces appareils-là qui faisaient leur coloration, leur il faut savoir aussi que la saturation, c'est quelque chose de normal dans un ampli. Quand on met une entrée trop forte par rapport au niveau, ça sature. Et c'est comme ça qu'on a inventé la saturation et les pédales de distorsion et tout ça qui ont fait après le rock un peu plus dur, le métal, le punk, etc. qu'on se sert beaucoup de ce truc-là. En vérité, c'est un défaut à l'origine. Ouais, c'était une idée créative en fait, qui vient d'un défaut. Mais bon, après, voilà, au début c'était analogique. Aujourd'hui, on recrée ça avec des logiciels, des choses comme ça. Mais il y a plein de choses comme ça qui ont été faites. Et puis je me souviens aussi des chambres d'écho à l'époque où on tapait sur la table avec un ressort, c'était un ressort. Alors avec des bandes qui tournaient sur elles-mêmes. Et il y avait un tas d'effets comme ça. Aujourd'hui, avec des trucs numériques, je pense que si les gens reviennent aussi de temps en temps à ce genre de matos, un ampli vintage, une table de mixage vintage, c'est aussi parce qu'on vit un peu dans un monde dématérialisé, même si c'est très matériel en vrai. Mais on vit dans un monde un peu dématérialisé, on a l'impression de pas avoir les choses sous les mains, de pas les toucher, que ça fait pas vibrer l'air comme on voudrait. Et c'est vrai que quand on a le gros ampli devant soi avec la grosse gamelle qui fait vibrer l'air, les poumons et tout, il y a y a un côté brut et réel, quoi, qui fait que c'est assez jouissif. C'est physique, quoi. Très bien. Donc voilà, on se comprend bien dans ce qu'on ressent, etc. Et c'est pour ça qu'il faut écouter de la musique actuelle. Il faut aussi écouter des vieux trucs. Et après, il y a aussi l'évolution. Il faut savoir que jusque dans les années 50, on enregistrait des morceaux avec un seul micro. Les gens se mettaient autour et puis bien c'était sûr. Comme ça. Le multipiste est apparu vraiment dans les années 70 et tout ça. Donc où là, on commençait à enregistrer sur une piste tel instrument, sur une autre, et on pouvait retoucher derrière. Alors qu'avant, non. C'était one shot. Direct, on prenait et puis beaucoup de standards ont été enregistrés comme ça. Et le début de la stéréo, c'était pareil. Il y avait les gens, il y avait la guitare qui était d'un côté, il y avait le chanteur qui était de l'autre, et on sentait bien que c'était complètement coupé. Aujourd'hui, on font les choses beaucoup mieux, on crée un espace. Donc il y a beaucoup de temps partout pour le faire. Mais au début, c'était quelque chose de nouveau. Avec une oreille, on écoutait un musicien, avec l'autre, une autre. Il y avait un micro de chaque côté. Voilà, c'était des sacrées notions d'acoustique pour les ingé-sons de l'époque. mais je pense qu'à l'époque, ils avaient peut-être, ils ont dû tout créer parce qu'il n'y avait rien. Ouais. Mais ils ont travaillé beaucoup avec leur feeling, avec leurs oreilles aussi. Ils ont fait des essais. C'est comme ça qu'ils ont créé plein de choses. Aujourd'hui, il y a des modes d'emploi, il y a des gens qui apprennent. Mais il a fallu qu'il y ait des gens qui tâtonnent. Et beaucoup de ratés, j'imagine aussi. Ah oui, j'imagine. C'est un peu l'histoire de la vie d'ailleurs. La vie a fait des essais et ce qui rate, ça. Ouais, on ça retient continue pas. Pas et ce qui fonctionne, ça survit. Voilà, c'est comme ça. Très bien. On papote beaucoup, mais en attendant, on va peut-être écouter un petit peu de musique aussi. Avec plaisir. Donc le prochain morceau qu'on avait calé, c'était A Real Good Time. D'accord. On écoute tout de suite. Donc I wanna play a game. I wanna play with you. I wanna have a good time. I wanna dance with you. C'était le groupe Les Bad Sheep. Alors je regardais le titre, c'est Broken Heart. Voilà. Juste avant, c'était Orphan Black avec le titre Midnight. Et on avait commencé cette série musicale avec le groupe invité de cette émission numéro 536. Il s'agit de The Gig. Et le morceau s'appelait A Real Good Time. Voilà. Je me remets un petit peu à jour. Pourquoi ? Parce que là, on a écouté un petit peu de musique et ce qui nous a permis un petit peu de régler les micros pour un live. Donc, juste après, on va écouter le groupe de Gig en live. Il y a 5 morceaux en tout. Donc là, on va peut-être partir pour 2 morceaux à la suite. Alors, vous avez prévu quoi comme morceau au départ ? Eh bien, ça tombe bien. On vient d'écouter la version électrique de Real Good Time. Ouais, on va enchaîner par la version en acoustique. Alors, c'est en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors, il n'y a aucun filet. Hein. C'est vraiment en direct live. Hein. On travaille comme dans les années 50 dans les radios. On fait pas comme les nouvelles radios où c'est enregistré à plusieurs reprises et puis après diffusé pendant quelques temps après. Là, c'est vraiment en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, au début, il risque d'y avoir un petit peu de réglage à faire, mais bon, on va partir donc avec ce premier morceau, et juste après ça sera quoi ? On jouera Hand in Hand, qui est aussi le deuxième titre de l'EP. Très bien, donc là je vais couper mon micro, pendant que je le dis je le coupe, donc vous m'entendez plus, donc j'arrête la musique de fond, je coupe mon micro, et puis à partir de maintenant c'est à vous. Super. Quand vous voulez. Prêt les gars ? Time. direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe The Gig. Voilà, un premier morceau interprété, hein. Vraiment, je pense que le son est pas trop mal, hein. Voilà, j'ai des petits retours sur Internet. Donc, il y a Sylvain qui était là tout à l'heure, qui nous dit le réglage sont bons. Bon, moi, bah, j'espère que, en tout cas, ça passe bien. Donc, voilà, au début, il a fallu. On entendait bien les pains, alors, c'est bon. On entendait bien les pains. Il n'y a pas eu de pain. Vous avez entendu quelque chose? Moi, j'ai rien entendu. J'ai entendu que de la bonne musique. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous entendre jouer en direct live. Voilà, il y a eu des gens qui nous ont laissé des petits commentaires. Donc, il y a Antoine Gauthier du groupe Red Daff, Stéphane Prévost du groupe Frisson, Christophe Dunker du groupe Prisma, qu'on a eu tout à l'heure au téléphone aussi et qu'on embrasse très fort et qui sera présent dans les prochains mois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce qu'il y a un enregistrement du prochain Prisma qui viendra. Et donc ce soir on est en train d'écouter deux gigs en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Là c'était le premier morceau, mais là il y en a un deuxième juste après. Yes, qui s'appelle Hand in Hand. promise me just stand and stand, 'cause we're in love and we don't care. Jusqu'à la dernière note dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe The Gig avec un deuxième morceau interprété en direct live. Là, ça s'est super bien passé. Là, il n'y a pas eu de fausse note. En tout cas, j'en ai pas entendu du tout. Non, franchement, bien interprété. Bravo. Merci. En tout cas à vous pour ces deux morceaux à la suite. Comme ça, c'est pas évident d'arriver dans un studio comme ça et de jouer. Surtout que ces morceaux-là, ils ont été écrits à l'origine en électrique, et puis là, cette fois-ci, vous les interprétez en acoustique pour les besoins du studio, pour pas faire trop de bruit aussi dans les studios par rapport aux voisins. Donc, je pense que c'est un petit peu compliqué pour vous, non? Ou ça a été? On a travaillé. Vous avez travaillé pour arranger les morceaux quand même. on a une setlist en acoustique aussi. Hein. On a arrangé nos morceaux en acoustique, justement pour ce genre d'occasion où on peut pas forcément être amplifié, ou une batterie ça fait trop de bruit. Et comme Anto joue très bien du cajon, et ben ça sonne bien. Ça sonne super bien en tout cas. Bravo jouer à vous. Comme ça. Très bien, et en plus ça permet aussi de jouer dans des endroits un peu plus intimes, comme par exemple dans des bars où les gens sont vraiment très proches de vous. Ouais. Et après, à côté de ça, vous avez quand même vos amplis et tout ça pour les grandes scènes. Et ouais. donc j'espère vous voir très bientôt en concert dans la région d'Orléans ou plus loin peut-être. On dira. Ouais. Tout à l'heure, on parlera justement de tous les projets, tout ça. Vous voulez interpréter un troisième morceau en direct, puisqu'on est en place? Ouais, allons-y, c'est parti. Un petit going back home, comme ça on finira avec un truc plus calme. C'est bon? Je dis que c'est un morceau qui n'est pas sur l'EP. Oui, c'est un morceau qui n'est pas sur l'EP, me dit Igor, de le notifier. Donc c'est une exclusivité mondiale. On t'entend pas. C'est une exclusivité mondiale alors. Exactement. Très bien, c'est à vous. Within this concrete hole, and now my time is at an end. I'm on my way back home. I'm going back home. I'm going back home. Spent many times locked within my cell, and no one would help me through this hell. I've been dreaming I lay within your arms, in the bedroom of our little form. And now my time is at an end. I'm on my way back home. I'm going back home. I'm going back home. I'm going back home. lovely smile was my light in the dark. When I was walking in the tiny park, your voice, your lips haunted me at night. But in the end, it's been worth the fight. And now my time is at an end. I'm on my way back, back, back, back, back, back, back, back home. I'm going back home. I'm going back home. I'm going back home. Bravo, I'm going back home. Merci. De Gig en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Trois morceaux à la suite. Bah maintenant on va vous laisser un petit peu vous reposer, hein. Donc on a écouté de la bonne musique et puis on va continuer à écouter un petit peu de musique le temps qu'ils se remettent et puis après on va continuer à parler un petit peu avec eux pour savoir tout sur les projets, parce que là on a vu un petit peu l'histoire du groupe, la composition et tout ça, et ce qui nous intéresse aussi c'est de savoir quels sont les projets pour les prochaines semaines. Voilà, on écoute un petit peu de musique et on se retrouve juste après. coule dans ma tête comme le son dans mes veines. Je ne suis pas plus épais qu'un fil de laine. Petit à petit, y a la lumière qui faiblit. Je ne sais plus bien quel est l'objet de mon envie. Mais pareil que c'est là tout ce qu'on peut espérer. Alors je m'accroche encore pour tenir, ne pas craquer. Avec des bons groupes dans l'émission Mavrika ce soir. Alors on a écouté tout à l'heure trois morceaux en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec notre groupe invité de ce soir, cette émission numéro 536. Et donc c'est deux gigs qui sont ici présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Juste après on a écouté Frisson avec Une journée buissonnière, un groupe qui est déjà venu plusieurs fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et qui a aussi participé à Mavrika Live, on l'avait dit tout à l'heure. Et un autre groupe aussi, Thérèse Électrique, dont fait partie notre invité ce soir, Igor. Le morceau qu'on a écouté, c'est faut bosser. Voilà, il faut bosser. C'est ce qu'on nous dit de plus en plus. Hein. D'ailleurs, il va falloir bosser quelques années de plus, hein, j'ai l'impression. Voilà. Donc, on est dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Et puis, on va peut-être papoter un petit peu. Ou on va garder quelques morceaux pour la fin. Il y a encore des morceaux de l'album à découvrir. Il y a encore des morceaux en live. Mais ce que je voudrais aussi savoir, c'est maintenant qu'on connaît un petit peu le groupe, on a envie d'aller vous voir. Est-ce qu'il y a des projets de... Qu'est-ce qu'il y a comme projet pour les prochaines semaines? Parce que prochaine semaine, prochain mois. Alors oui, parce que je vais dire ça de suite. On sait qu'il y a un album, un EP qui est sorti, donc il va falloir le défendre aussi sur scène peut-être, je suppose. Oui, exactement, on a quelques concerts de programmer là et d'autres qui sont en cours de programmation. Le premier, ça va être donc le 8 février, mercredi, donc c'est pas à côté pour le coup, c'est sur Paris directement, à la Péniche Antipode. D'accord. On partagera une scène avec le groupe Mallory, voilà, avec qui j'avais déjà joué, qui sont très très bons, très très bons rock. Très bien. Voilà. Ensuite, on jouera pour le premier tour du label Tramp, qui est un tremplin dans le 45. Voilà, ce sera le 18 mars à Montargis. D'accord. Chalet sur le Loing. Salle du Hangar. Salle du Hangar. Ensuite, on va remonter un petit peu en Sud-Seine-et-Marne, dans le Gâtinais, pour un festival dans le petit village de Nantaud, organisé par une association du coin. On va très certainement jouer au festival en Seine le 9 et 10 juin dans la région aussi, à côté de Samoa. Puis, on revient par ici le 24 juin, pour un concert au Bistrot Gourmand. Ouais, à la Ferté-Saint-Aubin. C'est ça. Et 1er 2 juillet, on sera au festival, un festival, j'ai plus le nom exact, désolé, mais qui se tiendra à Nemours, donc toujours dans le sud du 77. Et puis après, pour l'instant, on a éventuellement un autre festival qui est en cours de préparation pour le 2-3 septembre. Et on refera l'édition de Jardin, en fait, le 10 septembre, qu'on a fait cette année, qui était une expérience très sympa. Ouais. Pareil, on se retrouve plus ou moins tous les groupes du coin à faire ce truc-là. Oui, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Ouais. Effectivement. Mais c'est effectivement un événement qu'on aime bien parce que c'est sans prise de tête, quoi. Et en plus, c'est très varié. Les gens peuvent aller là-bas et découvrir plein de groupes différents, donc plein de musiques différentes et tout ça. Donc, c'est vraiment l'occasion d'aller voir les artistes jouer en direct. Voilà. Très bien. En tout cas, il y a pas mal de choses. Donc, toutes ces dates-là, comment ça se passe? Vous avez un site? Vous avez déjà le Facebook? Alors, on a effectivement le point d'entrée, c'est notre Facebook. Mais c'est surtout aussi grâce à l'EP qu'on écoute là depuis le début de l'émission, qui est disponible sur Deezer et Spotify. Donc, c'est assez facile de le partager. Et, pour l'instant, on a des bons retours avec des dates qui se programment. Très bien. Donc, est-ce qu'il va y avoir, là pour l'instant vous avez enregistré un EP, est-ce qu'il va y avoir une vidéo, quelque chose, un clip vidéo? Non, pour l'instant c'est pas encore dans les projets. Je sais pas. Des vidéos de concert, oui. On en a déjà quelques-unes sur le Facebook. Clip, je sais pas trop si ça colle avec notre univers, je sais pas, on en a jamais parlé en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on est très beau gosse et du coup si on fait un clip ça va tout de suite faire boys band. Ça risque de passer au-dessus de la musique. On voudrait quand même que ce soit notre musique qui est appréciée en premier, que notre corps, notre physique. D'accord. Ok, ouais, après ça fera des jaloux et tout ça. On s'en sortira plus. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets, donc des concerts? Pour l'instant, vous avez sorti un EP. Est-ce que vous avez envie de continuer à refaire des enregistrements ou des choses comme carrément. Ça? Carrément. Oui, parce qu'on a plein de morceaux qu'on n'avait pas au moment de l'EP et que je pense que ça vaudrait vraiment le coup d'enregistrer. Ouais. Donc oui, ça m'étonnerait pas qu'à moyen terme, on enregistre quelque chose. Ouais. Si on pouvait enregistrer un petit EP. Comme ça, vite fait, tous les étés. Comme ça, ne prend pas beaucoup de temps, peut-être, pourquoi pas. Puis comme on sait faire. Oui, c'est surtout le temps qui nous manque, en fait. Ouais, en plus, vous savez faire, donc vous ne changez pas la recette. C'est toujours vous qui faites tout. Ah bah oui. Ok. D'accord, très bien. Donc, on va suivre l'évolution. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que vous venez dans l'émission Mavrika. À partir de maintenant, vous faites partie de la famille. Donc, vous revenez dès qu'il y a de l'actualité. En attendant, aujourd'hui, on a découvert pas mal de choses. Il nous reste encore des morceaux à écouter de l'album, hein, de l'EP. On va dire l'album, c'est un EP. Hein. Après, c'est une question de durée. Hein. Et puis après, il y a aussi des morceaux que vous allez encore interpréter. Il reste deux morceaux, c'est ça hein. Ouais. Très bien, donc voilà. D'autres choses à rajouter encore sur les projets, des choses que j'aurais pas pensé Non, c'est bon. Donc les dates, on peut les retrouver aussi sur votre Facebook. Hein. Tout est marqué dessus. Oui, petit à petit, on va les mettre. Vous les mettez sur les événements. Très bien. Donc on donne rendez-vous aux personnes qui sont intéressées d'aller vous voir justement pour pouvoir découvrir toutes les dates. Et justement, s'il y en a une à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller voir le groupe. Parce que là, je vous vois ce soir en en acoustique, mais en électrique, voilà, c'est encore une autre dimension, quoi. C'est autre chose. Oui, oui. C'est le projet. C'est le projet. Le projet de base. Ouais. Voilà. Très bien. Donc voilà, on a parlé tout à l'heure aussi d'autres artistes. On a écouté tout à l'heure Thérèse Électrique, Frisson. Voilà, ça c'est un peu la famille. Est-ce qu'il y a d'autres artistes que vous connaissez, que vous avez envie de parler ce soir? Bah, on en connaît plein. Ouais, parce que tout à l'heure justement, on parlait aussi des Bad Sheep. Ouais. Voilà, et ce que je savais pas, je le savais sans le savoir, parce que moi j'ai été les voir en concert. Ouais. Et c'est que le batteur, il est là aussi ce ouais, soir. Ouais, bah, ouais, voilà. Ça. Le monde est vraiment monde est vraiment petit. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on se cale une date pour que vous veniez, parce que c'est prévu. Voilà, pour l'instant c'est en stand-by, ça c'est pas fait, mais ça va se faire. Il n'y a pas de souci. Il suffit de se caler une date, et puis le jour où ça correspond à tout le monde, et ben vous venez ici dans les studios de Arc-en-Ciel. Tout à fait. Ouais. Il y a aussi les RN6 aussi qu'on a parlé tout à l'heure, justement, oui. Parce que vous avez un artiste commun avec les RN6, avec les Oui, le bassiste des RN6 et le bassiste des ouais. Chips également. Donc voilà, ouais, c'est une grande famille aussi. Et eux aussi, pareil, ils ont enregistré un album dernièrement, donc il va tout falloir fait, aussi ouais. qu'ils viennent oui, le défendre ici ouais. dans les ondes de Radio Arc-en-Ciel. D'autres groupes, bah, Igor? Oui, on a avec le papa de Théo, donc Sylvain, qui est le bassiste de Frisson. De Frisson, et ouais. Anto. On a monté une association sur Marcy qui s'appelle le Garage Azik. Mm-hmm. Donc on propose des groupes adhérents de répéter au studio. On commence un peu à monter des événements. Alors il y a un événement annuel sur Marcy, et puis peut-être des choses qu'on peut-être multiplier ou voilà. Et mmh. en fait, et du coup, il y a des groupes qui répètent chez nous. Il y a Ombrage. Ombrage, ouais, voilà. Qu'on va recevoir très bientôt, bah, au mois de mars. On répète, mmh. on est aussi adhérent de l'association. Il y a Missing. Missing, ah ouais, d'accord, qu'on a reçu aussi il y a déjà pas mal de Missing, temps. Il va falloir qu'ils reviennent. Voilà, et puis il y a Bumblebees, un groupe là qui est en train de se monter. Voilà, donc. En fait, c'est l'idée de ce projet-là, c'est de un peu que les gens se rencontrent en fait, mm-hmm. voilà, d'être un peu un lieu de départ de rencontre entre musiciens, entre groupes, voilà. Et puis de partager plein de choses, c'est et ça. Puis l'expérience, et puis justement Exactement. Découvrir les artistes les uns les autres. Exactement. Et aussi là, vous avez donc une salle. Ouais. Un studio, ouais, un vous studio. Pouvez enregistrer, bah, vous pouvez ça, répéter, ouais, bah, donc ça, vous mettez plein de choses en commun, et puis ouais. ça permet de... C'est dans ce studio qu'a été enregistré du coup la batterie, la basse et les guitares de l'EP qu'on est en train d'écouter. Bah ouais, mmh. voilà, donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Bah très bien, c'est bien de savoir, et puis donc si d'autres personnes sont intéressées, ils peuvent vous contacter, et puis... puis venir jouer avec sûr. Vous ouais, ouais, ouais. Ou alors enregistrer parce que, par exemple des gens qui veulent enregistrer alors aussi. L'idée c'est pas forcément c'est vraiment on est ça nous tient à cœur de garder l'esprit association donc l'idée c'est que si des groupes veulent venir au studio, l'idée c'est qu'ils adhèrent à l'association et oui, qu'ils prennent part à la vie de l'asso. Voilà, c'est pas on propose pas juste un coup comme ça sur de l'enregistrement ou voilà, l'idée c'est vraiment de s'inscrire dans l'association un peu sur le long terme et essayer de développer quelque chose ensemble. Mmh, tout mmh. à fait. Donc c'est le partage, c'est la convivialité, et la passion qui vous réunit, ouais, c'est la musique. Exactement. Très bien. Bah c'est bien de le savoir. Et puis il va falloir. Il y a aussi un site. Pour l'instant, il n'y a pas un Facebook. Rien du non. Tout. Il va falloir commencer. Il y a un Facebook, mais qui est accessible, il me semble, qu'aux adhérents, et puis qu'il va falloir développer. Bon. Ouais, parce que ce serait bien que les gens soient aussi au courant de ça, ouais. et puis s'ils veulent vous contacter. Après, on crée un événement annuel. Qui s'appelle le Rock Show sur Marcy, à la salle des fêtes de Marcy. Et pour le coup, à ce moment-là, on fait un peu de com. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, ça sera peut-être l'occasion de revenir. C'est à quelle époque, tu m'as dit ? C'est le 3 juin. 3 juin. Ouais, d'accord. Cette année, ce sera le 3 juin. Donc, le 3 juin. Le 10 juin, c'est le Maverick Alive. Donc, ouais. il va se passer plein de trucs au mois de juin. Donc, il va se passer plein de trucs. Le mois de juin va être chargé. C'est vrai que ça va être chargé. Hein. Mmh. Et des fois, je vois les musiciens, ils me disent « Ouais, on aurait aimé te voir. » Et je dis bah, « Ouais, mais moi, je peux pas me couper en morceaux. » Donc, des fois, je fais un concert. J'essaie de voir aussi, parce que des fois, il y a aussi des concerts où il y a plusieurs groupes. Donc, ça me permet de voir plusieurs personnes d'un seul coup. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'être partout. Hein. Ah, non, mais bon, ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait pour tous les goûts et qu'on puisse choisir justement et puis aller voir tel groupe à un moment, tel autre groupe à un autre moment, et, etc. Très bien. D'autres choses à rajouter encore là-dessus ? Non. Non, non, c'est bon, on a, c'est complet, le dossier est complet et tout ça. Il n'y a pas de souci. On se cale un petit morceau pour continuer. Quel morceau vous voulez écouter ? Un morceau de l'EP ? Ouais. Hand in Hand, ce serait. Hand in Hand, ouais. Yeah. Hand in Hand. C'est le numéro 2, non ? Voilà, il est calé. Donc, si vous voulez, on l'écoute tout de suite ? Ouais. Allez. On fait comme ça alors, c'est parti. Bah oui, c'est parti, mais il veut pas partir. Ah mince. On peut le rejouer, on l'a déjà joué. Là. Oh, ouais. Bon, c'est un petit peu brutal. Je pense qu'on va le remettre au début. Hein. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ouais. On fait ça à l'arrache, mais on va le faire bien quand même. Thank you. retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après un quatrième. Attends, on est à combien déjà? Non, troisième, c'était le troisième morceau de l'album, voilà. Il en reste encore deux autres à écouter d'ici la fin de l'émission, et c'est vrai que ça va très très vite. Nous recevons ce soir deux gigs dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis là justement, je voulais poser une petite question, c'est l'EP, est-ce qu'il a un titre? Oui, numéro 1. Numéro 1, d'accord. C'est, ouais, au moins comme ça, vous saurez dans. Simple, hein, voilà. C'est un peu comme moi dans les émissions de Mavrika, il y a des numéros, et puis les numéros, ça me permet de me resituer dans le temps et tout ça. Donc c'est vrai que. On n'est pas sûr, nous, de faire 536 EP, mais. Quoique, en vous mettant en bien. 536, donc c'est le numéro de l'émission, et j'espère que ce numéro-là vous portera bonheur pour l'avenir. Voilà. Ouais, merci. C'est vrai que des fois, il y a des numéros comme ça. Et des fois, il y a aussi des groupes qui viennent et ils reviennent une deuxième fois et puis ils me disent on était venu dans l'émission 536, donc on retrouve très rapidement. Donc l'émission habituellement est enregistrée par notre ami Florent, mais on va récupérer quand même le son, il va pouvoir le mettre sur internet très prochainement, et on remercie Florent pour tout le travail qu'il fait, puisque c'est lui qui fait les podcasts de toutes les émissions de Radio Arc-en-Ciel, dont celle de Mavrika tous les vendredis. Donc merci beaucoup Florent, en tout cas pour ce que tu fais. Voilà, donc c'est le podcast, vous pourrez le retrouver sur le Facebook de l'émission Mavrika, et vous pourrez réécouter l'émission si vous l'avez pas écouté. Vous pouvez aussi la réécouter si vous l'avez écouté et que ça vous a plu. Et vous pouvez aussi la télécharger pour la conserver si ça, vraiment elle vous a beaucoup plu. Voilà, ça c'est le but du podcast. Et puis dernièrement, j'ai donc posté le lien pour écouter l'émission numéro 535 dans laquelle nous avions reçu Alex Lebaille dans l'émission Africa. Voilà, on revient aux conditions live, puisque vous avez repris vos instruments. Il y a encore deux morceaux interprétés en live. Donc voilà, donc je vais essayer de retrouver les réglages de tout à l'heure qui étaient pas mal. Donc on va essayer de garder les bons réglages. Voilà, je me souviens un petit peu. On fait tout ça à l'œil, hein. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Donc, quand vous voulez, vous pouvez interpréter le morceau. Alors, quel morceau vous allez interpréter? On va vous jouer Eat You Up en premier, et ensuite Miss You. On va terminer par une très belle balade folk. Très bien, c'est à vous, quand vous voulez. There's 100 girls and there's only one I see. There's 100 boys but the one you see is me. Baby, I want you as much as you want me. You know we shouldn't do and we're not going to, are we? Don't make that smile, don't roll your eyes, don't look so nice, don't you dare try, don't touch me now, I could eat you up. As you want me, there's 100 options, only one could set us free. Don't make that smile, don't roll your eyes, don't be so nice, don't you dare try, don't touch me now, I could eat you up. And only you, the one I care. as you want me. There's a lot of ways, but only one can set us free. Don't make that smile, don't roll your eyes, don't be so nice, don't dare you try, don't touch me now. I could eat you up. Bravo, un superbe morceau comme ça interprété en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission numéro 536 avec le groupe de Gig. Voilà. Ah, on réaccorde les. Bah, il fait de plus en plus chaud dans les studios, donc ça change l'accordage, c'est ça? Exactement. Oui. C'est une chanson en drop D en anglais, ce qui veut dire que la corde de mi grave descend vers le ré, donc d'accord. Faut faire ça correctement parce que sinon ça va sonner très mal. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà. Très bien. Je pense qu'on est prêt. Donc cette chanson s'appelle Miss You. Ah non, Ig. Ah oui, Ig, il a plus de cordes à accorder. Ça arrive, quand ça arrive. C'est bon ? C'est parti. C'est parti. Special way to get. bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe The Gig avec Miss You, voilà un superbe morceau et franchement vachement bien interprété et puis j'espère que le son passe bien. En tout cas je suis tout seul en train d'applaudir à la radio, mais bon, parce que je suis tout seul dans le studio en face de vous, mais j'espère que les auditeurs ont pris beaucoup de plaisir à vous entendre et qu'ils applaudissent aussi de l'autre côté du transistor. Ah, chouette. Voilà. Très bien, donc voilà, c'était un très bon moment. Ça c'est les moments magiques dans l'émission Mavrika, c'est quand les musiciens jouent en direct live, et c'est vrai que c'est quand même un risque, et puis ça se fait de moins en moins, et nous on a gardé cette tradition, hein, un peu comme dans les années 50-60, où les musiciens venaient devant un micro et puis jouaient en direct live, et ben nous on a gardé cette tradition, et on doit être les seuls au monde, les derniers au monde à faire ça, je pense, hein. En tout cas, on le fait avec beaucoup de plaisir, et en tout cas, c'est merci à tous les artistes qui se prêtent au jeu. Et merci à vous. Merci. Voilà. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Le temps passe très très vite, hein. Il nous reste encore un peu de temps. J'ai encore quelques questions à vous poser. Quelles seraient les deux couleurs qui illustrent le mieux votre univers? Le bleu pour le blues peut-être? Non. Ouais. Dis-moi, je vois. On a pas mal de rouge et noir aussi, oui, sur. Ouais, en tout cas, c'est notre identité visuelle sur ouais, nos communications, notre logo. Ouais. Alors oui, effectivement, le bleu qui représente le blues, qui est un peu notre racine. Mm. Mais ouais, rouge et noir. Alors rien à voir avec Stendhal, hein, mais. ouais, c'est il y a une raison, le rouge et noir. Bah, je trouve que c'est des couleurs qui se contrastent bien. Ouais. On essaie en tout cas de faire de la musique dynamique et contrastée aussi, même au sein d'un même morceau, que ce soit pas toujours sur le même niveau d'intensité. Donc voilà, ça peut être une explication en tout cas qui correspond bien à ce qu'on fait. Très bien, le rouge et le noir, et puis la troisième couleur, le bleu, hein, on va dire que ça comme ça. Très bien, toujours en tout le cas. Blues. Le blues, super. Donc quel serait votre grand délire, le grand délire que vous aimeriez bien réaliser grâce à votre projet, par exemple un concert dans un endroit particulier, ou alors un duo avec des artistes que vous aimez, ou un alors petit Olympia, un petit Olympia, ou alors France, une tournée tournée dans le monde entier peut-être. Enfin, on peut rêver à plein de trucs, hein. Ouais. Déjà notre plus gros délire c'est de faire vivre notre projet et que le projet fonctionne et tourne et avance, et voilà, et si on en est là, et ben on sera en exactement dans le délire dans lequel on voulait être en fait. Mm-hmm. Ouais. Mais une petite tournée quand même, ce serait ouais, fait, une petite hein. Tournée, ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà, en Europe déjà pour commencer, hein. Bah, avant oui, d'attaquer France, l'Afrique, même en France déjà, même dans le Loiret, une petite tournée dans le Loiret, ça va pouvoir se faire. Très bien. Est-ce que vous aimez, lorsque vous faites des concerts, par exemple, est-ce que les gens viennent vers vous pour discuter un petit peu? Est-ce que... Oui, on a pour l'instant on a eu des très bons retours, ouais, parce que en vrai. Plus les concerts ont débouché sur d'autres concerts, donc c'est que visiblement ça plaît. Bon après le groupe est jeune, hein, ça, on a fait que 4-5 dates, donc mmh. On peut pas avoir un échantillon d'un sondage très représentatif. Mais pour l'instant oui, on a surtout des bons retours. Hein. Ouais, c'est sûr. Mmh. Donc les gens ils discutent un petit peu avec vous et puis ils vous prennent le CD à la fin du concert. Est-ce que ce CD est disponible quelque part? Est-ce qu'on peut l'acheter? Oui, ou... oui. Vous pouvez aller sur le Facebook de The Gig, et puis mettre un petit message privé pour passer commande du CD. Ouais, puis d'accord. Je me fais un plaisir de vous l'envoyer à tous nos concerts aussi. Et bien sûr sur les concerts, évidemment. Ouais. Très bien. Donc c'est les deux méthodes les plus plus simples pour obtenir le CD. Mmh, c'est ça. Très bien. Enfin, la meilleure, c'est vraiment de venir au concert. Ouais. La meilleure, c'est de venir au concert. Déjà, vous nous verrez nous en live, et puis en plus vous repartir avec le disque. Bah oui, c'est... On parlait des vibrations de l'ampli, le côté un peu brut, bah, c'est pareil. On entend le groupe, et en plus on a l'objet devant nous, c'est le meilleur moment pour acheter le CD. Ouais, c'est vrai que les concerts c'est quand même quelque chose. Ah, oui. Bon, le CD c'est bien pour découvrir, la radio c'est bien aussi pour découvrir, comme ça on... Mais il faut aller voir les groupes en concert, ouais, parce que là il y a le visuel déjà, il y a l'émotion, il y a le son, on le ressent. Hein, c'est une immersion totale. Une immersion totale, il y a les odeurs. Oui. Pas que du groupe d'ailleurs. C'est le pire. Les lumières, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que quand on va à un concert, souvent on est marqué justement par cet événement-là, parce que on vit vraiment la musique avec les musiciens. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien, quoi. Et en plus ça permet aussi un échange, parce que vous, c'est pareil, quand quand il y a du public qui est là et qui a envie de faire un petit peu la fête avec vous et puis qui répond un petit peu, qui vous applaudit, qui c'est quelque chose qui vous booste aussi, hein, je suppose. Hein. Ah bah c'est la reconnaissance suprême, hein, quand même, d'avoir quelqu'un devant soi qui kiffe, quoi. C'est qui bouge sa tête, ses pieds. Ouais, c'est un peu après ça qu'on court tous, en fait. Ouais. Bah oui, c'est vrai que là, c'est une émotion que vous partagez, que vous avez envie de partager avec d'autres personnes. Et puis, les gens, quand ils répondent à la sollicitation que vous faites, eh ben, forcément, c'est super, super bien, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est un partage, encore, on parlait tout à l'heure, donc des moments de partage et tout ça, quoi. Ah oui. Très bien. On écoute encore un morceau. Donc le dernier morceau, on va garder le dernier pour tout à l'heure. Là, c'est l'avant-dernier. Il reste deux morceaux. Donc celui-là, c'est lequel? Alors on va passer tout d'abord. On parle beaucoup de blues. Et ben là, un blues. We got to leave this city. Voilà. D'accord. Partons de cette ville et allons repeupler la campagne. D'accord. C'est le sujet. Non, ouais, c'est un peu le sujet. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup maintenant qui font ça, parce que c'est vrai que dans les villes, on va dans les villes souvent pour travailler, etc. Mais des fois, la vie, elle devient. On vit plus du tout, et au bout d'un moment, il y a des gens des fois qui font un burn-out et puis qui se disent tiens, on va retourner dans la campagne, vivre comme nos parents, et finalement puis refaire vivre aussi toute la campagne France, ça c'est important, c'est dommage de s'accumuler. On l'oublie, il se passe pas grand chose alors qu'en fait il y a énormément de monde qui vivent à la campagne et qui ont des super idées, qui sont très sympas, qui savent quoi faire et qui malheureusement ils doivent aller à la ville pour faire ces choses là donc ce serait bien que ce soit un peu plus équilibré, moins tout à Paris, Marseille, Lyon et un peu plus partout. Très bien, on écoute le morceau tout de suite alors. Yeah, you know, we gotta leave the city now. just where we go. Yeah, all I know is we gotta leave the city now. We gotta leave the city now. We gotta leave the city now. Yeah. Toute splendeur a perdu sa fraîcheur. La violence des mots me colle à la peau. Spirale infernale, ce visage glacial, son emprise torturée m'a déglinguée. Ma misère pour une voie de soumission.

Voilà, le temps passe très vite dans l'émission Mavrika. On arrive déjà à 22h, voilà, dans quelques minutes. Donc, on a passé une bonne soirée avec le groupe The Geek. J'espère que vous avez envie d'aller les voir sur scène prochainement. Donc, ils nous ont rappelé les dates et vous pouvez retrouver justement les dates sur leur Facebook. Vous tapez The Geek, hein, comme ça se prononce, et vous pourrez aller les voir, j'espère, prochainement sur scène. Là, on a écouté un petit peu de musique. Donc, il y a eu plusieurs lives. Ils nous ont interprété plusieurs lives dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et juste à l'instant, on a écouté Elsias, qui est notre invité de la semaine prochaine. Donc, elle sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le morceau qu'on a écouté s'appelle No Games. Juste après, on a écouté Luc, la Sentinelle, parce que tout à l'heure, on a parlé un petit peu de lui. Et justement, comme je l'avais dans la playlist, on s'est dit, on va l'écouter tout de suite. Et à l'instant, donc, c'était Custom avec For Your Love. Alors, c'était le groupe qui avait été sélectionné pour le Mavrika Live, qui a été annulé à cause du Covid. Mais on va leur reproposer de voir s'ils peuvent venir pour le Mavrika Live numéro 12, voilà, qui aura lieu donc le 10 juin, donc réservez cette date dès maintenant. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités, ils sont là, et puis on va dire au revoir puisqu'on arrive à la fin, et il nous reste un dernier morceau à écouter avant de nous quitter. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu, et puis on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec Elsia. On va donc retrouver nos invités. Bon, ça se passe bien. Ça a été. Ouais, on arrive à la fin de l'émission. C'est vrai que le temps passe très vite. Ouais, et en plus, nous, on écoute de la musique, on envoie de la musique, on discute un petit peu aussi dans les couloirs. Et puis, c'est un petit peu la tradition dans l'émission Mavrika, c'est qu'on fait une émission, on essaie de la faire le plus sérieusement possible. Et puis, à la fin, bah, il y a l'after, donc il y a les photos qu'on va prendre. Ouais. Donc, ça sera des souvenirs pour la suite. Hein. Donc, les photos, vous en ferez ce que vous voulez, puisque c'est cadeau. Donc, c'est des photos qui seront prises ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et à chaque fois que vous reviendrez, il y en aura des nouvelles. Donc, cool. Ça fera partie de l'histoire du rock'n'roll sur la région orléanaise. Et après, c'est pareil, on reste encore quelques temps et puis on discute de plein de choses. Quoi, voilà. Ça a été pour vous l'émission ? Ouais, très bien. Très bien. On était très contents d'être là et puis on était aussi très contents de jouer nos morceaux en acoustique. Ouais. Parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de les jouer comme ça. Et franchement, c'était super chouette. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci. À nous aussi. Très bien. Donc, on attend le podcast. On va essayer de le récupérer et puis on va le partager sur le Facebook de l'émission Mavrika. Et vous pourrez donc le réécouter ou alors télécharger pour le conserver. Hein. C'est ce que je fais. Hein. Surtout quand il y a des lives. Parce qu'à la limite, quand c'est des enregistrements, on les a. Ouais. Mais quand c'est des lives, on veut garder parce que c'est un moment. C'est un instantané, quoi. Mmh. Finalement, c'est quelque chose qui a été joué à un moment précis. Et j'en ai même certains où il y a des petits pains comme ça. Mais finalement, après, on s'y habitue. On dit, voilà, ça, c'est authentique. Mmh. C'est le vrai morceau qui a été joué. Il y en a comme ça aussi. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Parmi les standards, il y a certains trucs qui ont été joués sur MTV ou des choses comme ça. Où il y a des petits pains. Ouais, et on les écoute et on dit, il y a des notes, par exemple, qui étaient mauvaises, qu'ils ont tiré, ils ont ramené pour. Mais bon, c'est passé comme ça. Et aujourd'hui, quand on écoute le morceau, on est tellement habitué à écouter comme ça que dès qu'il y est plus, on a l'impression que c'est pas le vrai morceau. C'est authentique. Ouais. Voilà, c'est authentique. C'est le côté live. Live, ça veut dire vivant, donc c'est le côté vivant. C'est vrai. Voilà, donc cette émission se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission numéro 537. Hein, c'est dans l'ordre. Hein. Et il y aura Elsia qui viendra nous parler. On a écouté le morceau No Games. Alors, pour la semaine prochaine, ça sera un petit peu compliqué pour les lives puisque son guitariste qui devait être présent ne sera pas là. Mais bon, ça sera pour une prochaine. En tout cas, on aura de quoi discuter de musique avec Elsia. Et ce qu'on va faire dès maintenant, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine. On fait comme ça. Et puis on va dire aussi les phrases magiques parce qu'on a toujours l'habitude de dire les phrases magiques à la fin de cette émission. Elles sont les trois principales, c'est que le rock'n'roll soit avec vous. La deuxième, everything is gonna be alright. Ouais. Et la troisième, une vie sans musique serait une erreur. Voilà. Donc on a des phrases magiques. Merci à vous en tout cas d'être venu. Pour l'invitation, merci l'accueil. Et de toute façon, garde le contact. J'irai vous voir en concert dès que ça sera possible. Avec plaisir. Et puis vous revenez aussi dans les studios Radio Arc-en-Ciel quand vous avez envie. Voilà. Ouais. On recale ça et puis vous revenez quand vous le souhaitez en tout cas. Ça marche. Ouais. Merci. Voilà. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Merci à toi. Et puis... et on va se quitter avec le dernier morceau. Comment il s'appelle le dernier morceau? Too Young. Too Young. Too Young. Ouais. C'est pour Théo, ça. C'est pour moi. C'est ça, c'est pour lui. Voilà, le temps que je le cale en même temps, parce que j'ai tout en direct live. Et on écoute donc Too Young, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Salut. Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. 21. A Rádio e Televisão de Portugal revelam que têm guardado há uma vida. Os programas, os discos, as pessoas. Num arquivo que se abre para todos. Esta semana, João Carlos Calisto com a terceira e última parte da conversa com Nuno Nazaré Fernandes, que trata o percurso entre o final dos anos 70 e a atualidade. Gramofone, sábado, depois das 8 da manhã. Antena 1, Mafra, 96.9. Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2. E boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão de Esporto da sua Antena 1. A partir de agora estamos também em simultâneo com a Antena Madeira, Antena Açores, RDP África e RDP Internacional para acompanharmos mais um encontro da jornada 17 da Primeira Liga, a última da primeira volta, com o Sporting a receber o Vizela quando forem 9:15 da noite, ou seja, daqui a sensivelmente 10 minutos. Uma jornada que abriu já esta tarde com a vitória do Arouca por 4-0 diante do Portimonense. Com este triunfo, a formação de Armando Evangelista está agora no 6º lugar da tabela, a 2 pontos do Casa Pia e a 3 do Sporting, que, como disse, vai jogar dentro de seguida em Alvalade. Mais à frente nesta emissão vamos também escutar as antevisões do Paços de Ferreira Braga, do Santa Clara Benfica e do Vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto, 3 jogos que se realizam amanhã, para seguir com relato ou com informações aqui na Rádio Pública, sendo que o dia de hoje fica marcado, no que diz respeito ao futebol internacional, pela dedução de 15 pontos à Juventus, cai para o 11º lugar na Série A italiana, em causa irregularidades financeiras na sequência de transferências. Nas restantes modalidades, mantemos-nos atentos, claro, ao Campeonato do Mundo de Handball. Hoje Portugal venceu Cabo Verde 35-23, está no 2º lugar, ou seja, está em posição de apuramento para os quartos de final da competição, e vai ficar nesse lugar de apuramento, aconteça o que acontecer, na ponta final do jogo entre a Suécia e a Islândia. O jogo acaba neste momento, portanto agora é certo, Islândia 30, Suécia 35, ou seja, Suécia já qualificada para os quartos de final, Portugal em 2º, e Portugal vai jogar precisamente diante dos suecos na próxima jornada. Se Portugal vencer, a Suécia passa, a Suécia até já tem garantida essa passagem para os quartos de final. Ora, ainda antes de viajarmos para Alvalade, importa por isso escutar o selecionador nacional Paulo Jorge Pereira, ele que já fala nesse tudo ou nada diante dos suecos. O jogo é domingo em Gotemburgo, a partir das 7:30 da tarde. Nós gostamos de tudo ou nada, portanto, eu acho que esta equipa tem sido um bocado assim, né? É o tudo ou nada.